Yo, killer, Sackness, la jonction. La France est partie en couille, sont les plus démunis qui prennent les coups. Avant je t'aurais dit petit d'aller en cours, d'arrêter de faire le pitre. Dans la street jouer le rock en cours, on marque les titres au 20. Mec c'est le point de mon retour, à l'heure où on a besoin de force, on se désolidarise. Je deviens fou, moi tu aurais voulu que les frères réagissent. Marre de suivre les consignes, on nous aura pas scossé. Brûler les sièges et les feuillets, que c'est ça sans sale consigne. Entrer les gibets truands comme Hollande et Sarkozy. Nous voici face au lobbying d'un ennemi, le contraire impossible. Bah ouais, la plupart ont lâché l'affaire, prennent des billes simples à faire, auront vie c'est le flair. Ne me parle pas d'attitude victimaire quand tu parles de nous. En France frère, même avec les barres aura son os dans la bouche. Garde tes promesses, on a crié tes vices et tes coups de pute. Ton sourire esquissé dans nos tests n'est qu'un coup de pub. Killer, Sackness, la jonction dans mon 59. Quand j'ai grandi, mes parents m'ont appris le respect. Faire ce qu'il faut pour rester en vie. Le code barre pour accepter la vie comme elle vient. Le destin face à ses coups de putain. Tous les jours à cogiter pour ramasser le butin. Tous les jours incurgiter à ramasser des pots de vin. Post-tête mélancolique, synthèse diabolique. Que mes sens deviennent hystériques. Que ma vie doublée d'un bac artistique. Un plongeon de rime comme un saut à l'élastique. Marque de voix des femmes sous botox et qui jouent les saintes avec des sangs plastiques. Mes pensées deviennent mystiques. Mister Le Nord à son hôtel de police. Mais là j'avais prennent des lieux mystérieux. J'en prends un coup mais plus les années passent, plus je commence à me faire vieux. Le temps est plus vieux, on va finir par se bouffer mon vieux. Je suis curieux, aventurier, vérifie tes balles avant de tirer. La malchance me colle à la peau, j'ai le moral à zéro. Dans la rue ça papote, ça chipote, ça carotte. Mais quand il faut passer à l'acte, y'a plus personne. Je veux que ma voix rayonne et mes sons s'envolent. Et moi et mes potes qu'on s'en sort.